s'obligera à se rappeler de moi. Il fera couler le sang qui me donnera la gloire. Et toute cette terreur sera la clé de mon avènement. Association de mixtape. Sorti de droite à l'under, je vais crier ma rancœur. Dites-leur qu'il me reste toujours des rimes dans mon putain de chargeur. Elle croisait le secteur, t'inquiète moi j'ai pas peur. J'ai toujours la mentalité d'art, la frite du gros cœur. Je rappe mon frère et soeur, pas pour ses détracteurs. Pour ceux qui ont de la valeur, hey, et qui font honneur. J'ai pas le droit à l'erreur, donc je m'investis. 2010-2011, je vais hanter vos sales esprits. Apprécie bien le son, déguste-le doucement. De toute façon, dis-toi que je suis là pour un bon moment. J'ai tellement connu toutes sortes de péripéties. Malgré tout ça, je t'avoue, je n'ai jamais perdu l'envie. L'envie de vaincre et de franchir toutes ces barrières. Je prétends pas être le meilleur, mais j'ai un savoir-faire. Je suis qu'un cracheur de vérité qui te décrit la réalité. Libéré de mes pensées, j'ai fait le deuil de mon passé. Tu croyais quoi? Que j'allais en rester là. J'ai su rester discret dans les moments où il le fallait. À présent, je fais mon retour. Déclenche le compte à rebours. 5-4-3-2-1-0. Je vais pisser sur les rivaux. Oh, dites-leur que personne m'arrêtera. Sur un truc de def qui là, je vous ai montré que je suis toujours là. J'ai pas l'intention de me taire et encore moins de me laisser faire. Donc je rappe à cœur ouvert, même si les temps sont durs, mon frère. Association de mixtape. Def qui là. Tout contre un DJ Death Killer. Association Mixtapeurs.